بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes toujours dans l'explication de la manière d'accomplir la prière. Et nous sommes arrivés à la parole de l'auteur lorsqu'il dit et il pose ensuite, il pose sa main droite sur la gauche au-dessus de son nombril ou en dessous ou sur sa poitrine. Et il dit Allahumma subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Il dit cette dua que nous allons expliquer inshallah tabaraka wa ta'ala. Nous avions vu la semaine dernière que la personne, lorsqu'elle rentre dans la prière, elle rentre par ce qu'on appelle takbiratu al-ihram, qui est le takbir de sacralisation. C'est un pilier de la prière dans le sens où, s'il n'est pas accompli correctement, ou si on omet de l'accomplir, la prière n'est pas valide. La prière ne peut être valide qu'à travers le takbiratu al-ihram. Sans ce takbira, la prière n'est pas valide. Ça, c'est pour résumer un petit peu ce que nous avions fait la semaine dernière. Quelles sont plus ou moins les conditions pour que ce takbir de sacralisation soit valide et accepté auprès d'Allah afin que l'on puisse prétendre être rentré dans la prière? Non. Premièrement, il faut respecter l'ordre. C'est-à-dire, on dit Allahu Akbar. On ne dit pas Akbar Allah. Sinon, c'est faux. Donc, al-tartib. Deuxièmement, ce qu'on appelle al-muwala. On ne dit pas Allahu, puis on se tait, et après on dit Akbar. Non, il faut lier les deux termes. Troisième condition, et c'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, il ne faut pas de prolongation mal placée. On ne dit pas Allahu Akbar. Car nous avions dit que dire ceci en arabe, ça revient à poser une question. Est-ce que Allah est le plus grand? Donc ceci, ça change de sens. Ou alors, Allahu Akbar. Ça aussi, ça change de sens. Et aussi, le fait de dire Allahu Akbar, ici aussi vient changer le sens. Et la personne qui prononce le takbir de la sorte n'est en réalité pas rentrée dans sa prière. Et enfin, la dernière condition, c'est qu'il faut respecter cette formulation. On ne peut pas la remplacer par autre chose. On ne peut pas dire à la place Allahu Ajal. Allahu A'azzu. On ne peut pas dire non plus Subhanallah ou Alhamdulillah. Non, quand bien même tu le dirais avec une bonne intention, ceci n'est pas valide. On avait dit aussi qu'on levait les mains en même temps qu'on prononçait le takbir, ou alors un petit peu avant, ou alors un petit peu après. Tout ceci est corroboré par des hadiths qui sont authentiques. Lever les mains en même temps, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar dans les deux Sahih. Lever les mains avant, c'est le hadith de Ibn Omar dans le Sahih de l'imam Muslim. Et lever les mains après le takbir, c'est le hadith de Malik ibn al-Huwayris qui a été rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim aussi. Ce qui nous fait dire qu'il est permis de varier dans cette sunna. Concrètement, j'ai le droit de dire Allahu Akbar et je lève les mains juste après. Puis, la prière d'après ou le jour d'après, je lève les mains avant. Je lève les mains et je dis Allahu Akbar. Puis, un autre jour, je le fais en même temps. Donc, cette manière de varier les choses dans les choses qui sont légiférées, sunna, est une sunna à part entière. At-tanawwu min as-sunnah. Là, puisque le prophète lui-même a varié debout. Puisque le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a varié la manière de faire, donc il nous est permis, il est tout aussi sunnah de le faire. Là. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on lève ses mains? Premièrement, on ne lève pas ses mains à hauteur des, ce qu'on appelle les sadiyai, c'est-à-dire les deux seins. Comme ça. Quelqu'un qui voudrait faire comme ça, par exemple. Aussi, chose qu'il ne faut pas faire, lorsqu'on fait le takbir, pour ceux qui lèvent leurs mains jusqu'aux oreilles, on ne leur rentre pas les doigts dans les oreilles. Ça, on le fait dans les ablutions. On ne le fait pas lorsqu'on fait takbiratul ihram. Il y en a qui font ça. Allahu Akbar. N'est-ce pas? Et ensuite, on ne touche pas les oreilles non plus. On ne fait pas comme ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tout ça, c'est pas légiféré. Ça n'a aucun fondement dans la sunna. Donc, qu'est-ce qui est légiféré concrètement? On a trois façons de le faire. Toutes les trois rapportées par des hadiths authentiques. La première façon, c'est de lever les mains à hauteur des deux épaules. Les paumes de main face à la Qibla, sans écarter les doigts à outrance, ni les resserrer à outrance, mais rester dans la normalité. Il faut enlever tout takalluf, c'est-à-dire toute difficulté inutile. On ne serre pas les mains comme ça, en étant crispé, et en même temps on n'écarte pas les doigts à outrance. Mais on reste normal. Allahu Akbar, comme ça. Deuxième façon de le faire, on lève un peu plus les mains à hauteur des oreilles. Allahu Akbar. À hauteur des oreilles. Pas comme ça. Comme ça, les paumes de main vers la Qibla. Troisième façon, pour celui qui veut monter un peu plus haut, il a été prouvé que le prophète levait ses mains, il a furu' et udulay, c'est-à-dire jusqu'en haut des oreilles, ici. Donc ici, jusqu'en haut des oreilles, jusqu'au lobe des oreilles, shahmatul udulay, et ala hadwin mankibay. Namir quoi? Voilà les trois façons légiférées dans la sunna de le faire. Alhamdulillah, il y a aussi de largesse dans ceci. Nous venons maintenant au cours d'aujourd'hui. Il pose sa main droite sur la gauche. Et là, je reprends les termes de Abdurrahman, de Sheikh Abdurrahman ibn Sa'di. En les mettant au-dessus du nombril, ou en dessous, ou sur sa poitrine. Non. Au-dessus du nombril. Ceci, c'est quelque chose qui est légiféré. Ça a été rapporté par un athar de Ali, qui est authentique. Où Ali lui-même mettait, posait sa main droite sur la main gauche, juste au-dessus du nombril. Donc, pratiquement sur le ventre. Ça reste un athar de Ali, ce compagnon illustre. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui a été rapporté du prophète, c'est qu'il prenait sa main gauche sur sa main droite, avec les variantes qu'on va voir, mais en tout cas il le posait sur sa poitrine. Qu'est-ce qu'on appelle la poitrine? C'est ce qui part du nahr. Nahr, c'est ici. Non? Jusqu'à tajwif. Tajwif, c'est juste lorsqu'on commence à rentrer dans l'estomac, à partir de l'estomac. Ici, il y a ce qu'on appelle le diaphragme, je crois. Non? À hauteur du diaphragme. Juste en dessous, ensuite, on passe à une autre partie du corps, qui est l'abdomen. Donc, la poitrine, c'est tout ça, de là à là. De là à là. Ou si vous voulez, au niveau des deux clavicules, jusqu'au diaphragme ici. Non? Donc, on peut poser ses mains comme ça, comme ça, comme ça. Pas de problème. Et ça, c'est la sunna qui est la plus sûre et la plus authentique. Là, pour sortir de toute divergence, barakallahu fikoum, appliquer celle-ci. Ça a été rapporté par Ibn Khuzayma et authentifié par de grands savants, notamment Cheikh Ronald Albani à notre époque. Comment on pose les mains? Il y a plusieurs façons de poser les mains. Dès lors qu'on sait où il faut les poser sur la poitrine, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs modalités de le faire. Premièrement, ou bien on pose sa main, la paume de sa main droite sur le revers de sa main gauche. Comme ça. J'essaie d'être le plus explicite pour ceux qui nous écoutent et qui ne me voient pas. La paume de la main droite sur le revers de la main gauche. Hein? Juste en la posant comme ça. Ça, c'est une façon qui est légiférée. Deuxième façon qui est légiférée, c'est de prendre de la main droite, sa main gauche. Ce qu'on appelle al-qabdu. Empoigner sa main gauche par sa main droite. Troisième façon, c'est de poser la main droite sur le poignet, entre la main et le début de l'avant-bras. Donc la paume de la main, le milieu de la main est en plein sur le poignet, comme ça. Et enfin, il y a une dernière façon qui est tout autant légiférée, c'est de monter un peu plus et de poser la main sur l'avant-bras, ce qu'on appelle sa'id. Donc il y a quatre façons de le faire. Non. Les savants s'accordent à dire que la personne choisit la manière ou la façon qu'il veut adopter. Non. Lorsqu'il va faire le takbiratul ihram en position debout, bien sûr, car celui qui ne le fait pas en position debout alors qu'il en a la capacité, sa prière n'est pas valide. Non, il faut qu'il le fasse debout tant qu'il en a la capacité. Donc quand il va être debout et qu'il va poser sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine, alors il va falloir définir où doit se poser le regard. Est-ce que l'on regarde en face? Est-ce que l'on regarde vers le ciel? Ou est-ce qu'on regarde nos pieds? Ou l'endroit où l'on va se prosterner? Donc ça aussi, ça a été défini. Comment ça a été défini? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Alors, lorsque le prophète a dit cette parole, les compagnons se sont attelés à regarder la manière que faisait, la manière dont exécutait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa prière, dans les moindres détails. Et ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en position debout, il regardait l'endroit où il allait se prosterner. Ce qu'on appelle en arabe al-masjad, al-mawdi' al-sujud, l'endroit où l'on se prosterne. Donc on regarde pas en face, encore moins en l'air. Il y a des hadiths qui vont interdire, qui viennent dans ce sens, qui interdisent le fait de regarder le ciel. On regarde encore moins ni à droite ni à gauche. On regarde à l'endroit où on va se prosterner. D'accord, les croix? Non. À peu près un mètre, voire moins d'un mètre, entre 50 cm et un mètre. Regardez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou plutôt. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, oh, kana yanha an thalath. Le prophète interdit trois choses. Il interdit de se prosterner à la manière d'un coq. C'est-à-dire, il se prosterne très rapidement, il remonte, aussi vite qu'il est descendu. Non? Il pose sa tête, il remonte. Comme s'il était en train de picorer des graines. 1. 2. Le prophète a interdit à la personne de s'asseoir à la manière du chien. Ici, la manière du chien qui est voulue par la parole du prophète ici, ou la manière de s'asseoir, c'est lorsque la personne, elle pose son postérieur par terre et il lève ses deux genoux. Non? Je vais pas vous le faire, Inch'Allah. Mais regardez quand un chien, il est assis. Vous avez à peu près la manière. Il pose ses pattes. Il pose son postérieur par terre et il pose ses pattes au sol. Le prophète a interdit cette position dans la prière. Troisièmement, et c'est ça ce qui nous intéresse ici, le prophète a interdit que la personne regarde à droite et à gauche, non, ou regarde dans tous les sens à la manière du renard. Non. Le renard, très méfiant, regarde toujours à droite, à gauche, devant lui, derrière lui, de peur de se faire attraper. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de lever le regard au ciel pendant la prière. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Et le deuxième, c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed et autres, et authentifié par Cheikh Al-Albani. Il y a ici une remarque, barakallahu fikoum, pour celui qui est en face de la Kaaba. Celui qui prie en face de la Kaaba, qui a la Kaaba de visu, en face de lui. Lui est-il permis de regarder la Kaaba lorsqu'il prie? Si on reste sur la base, non. Il doit regarder dans l'endroit, à l'endroit où il va se prosterner. Par contre, certains savants, parmi eux, Cheikhuna Al-Uthaymin, Allah tabarak wa ta'ala, dit que si la personne, elle veut, pour méditer sur la grandeur d'Allah tabarak wa ta'ala, et méditer sur cette Kaaba, alors il peut jeter des regards, ce qu'on appelle nadratut ta'ammul, Il regarde la Kaaba juste pour méditer et ressentir la grandeur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il remet le regard à l'endroit où il doit être initialement, c'est-à-dire à l'endroit où il va se prosterner. Deuxième chose ici, le fait de regarder la Kaaba n'est pas une ibada en soi-même, comme le pensent certains. Je ne sais pas si vous avez déjà été à la Mecque. Vous voyez, souvent les gens, ils prient, ils regardent la Kaaba comme ça, pensant que c'est un acte d'adoration faisant partie de la prière. Ça ne fait pas partie de la prière. Mais c'est permis de regarder de temps en temps la Kaaba dans cet objectif. Aussi, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Al-iltifatu ikhtilasun yakhtalisuhu shaytanu min salatil abdi. » Il dit, le fait de regarder à droite et à gauche, par exemple, je suis dans ma prière, je regarde qui c'est qui rentre, qui c'est qui sort, qui c'est qui va faire les ablutions, je regarde l'heure, etc. Je regarde tout sauf l'endroit où je dois regarder. Le prophète a dit, cette manière de détourner le regard comme ça, c'est un vol. Un vol que Shaitan commet de ta prière. Il te vole une partie de ta prière. Effectivement, la personne qui regarde à droite et à gauche comme ça, et c'est le moins qu'on puisse dire, elle n'est pas du tout concentrée et en dévotion à sa prière. On a même certaines personnes des fois, tellement ils regardent à droite et à gauche, on ne penserait pas qu'il est en prière. Il y a une anecdote comme ça. Vous savez qu'en Mauritanie, les gens quand ils prient, ils prient avec l'isdel, c'est-à-dire ils prient les mains comme ça, sur le côté. Quelqu'un était passé comme ça devant une personne au milieu de la mosquée. Cette personne-là, elle regardait partout. Elle était comme ça, elle regardait partout. Jamais il avait pensé qu'il était dans sa prière. Il pensait que il était comme ça. Donc il lui a posé une question, il cherchait quelque chose. Et lorsqu'il lui a posé la question, l'homme a dit Allahu Akbar, et il est parti en recours. À ce moment-là, il a su qu'il était en prière. Non, pour vous dire que il y a une troisième sorte qu'a cité ici l'auteur du livre, qui est le fait de poser les deux mains en dessous du nombril. Ceci n'est pas authentique et ceci a été rapporté par une chaîne de transmission qui est faible. Donc les deux façons qui sont authentiques, c'est au-dessus sur la poitrine et au-dessus du nombril. Quoique la manière qu'on doit adopter est celle qui est la plus authentique et la plus véridique et la plus confirmée, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la poitrine. Barakallahu fikoum. Et pour ceux qui prient avec les bras sur le côté et qui attribuent cette parole à l'imam Malik, nous leur disons que l'imam Malik lui-même a rapporté dans le Muwatta le hadith d'Ibn Omar où il décrit la prière du prophète, et dans la description de cette prière il y a le fait de poser la main droite sur la main gauche sur la poitrine. L'imam Malik l'a fait pour une raison bien précise. Il prie comme ça pour une raison bien précise. Mais il n'en fait pas. Ou il n'attribue pas ceci au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les grands Malikiyah, les grands savants du madhhab de l'imam Malik, étaient aussi, pour beaucoup d'entre eux, sur cette sunna. Ensuite, il dit, cette dua, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Premièrement, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle dua ou istiftar, c'est une invocation d'ouverture, ouverture de la prière, où on célèbre les louanges d'Allah tabaraka wa ta'ala et on déclare qu'Allah est exempt de tout péché, de tout défaut et de toute imperfection. Car Allah est exempt de tout défaut, de toute déficience et de toute imperfection. Il dit, Subhanakallahumma wa bihamdika. Ceci signifie concrètement, je déclare, j'atteste qu'Allah tabaraka wa ta'ala est exempt et dénué de toute imperfection et de toute déficience et de tout défaut. c'est le sens de subhan. C'est ce qu'on appelle en arabe tanzih. Unazzihu Allah min jami'i an-naqais wal-uyub. En même temps, wa bihamdika, le baisi lil musahaba, c'est-à-dire en même temps, je déclare Allah exempt de toutes ses imperfections, en même temps, j'attribue, je confirme qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et je loue Allah par les meilleurs attributs et les meilleures qualités qu'il possède réellement tabaraka wa ta'ala. Cette parole-là, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, debout. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, kalimatani habibatani ila ar-rahman, taqilatani fil mizan, khafifatani ala al-lisan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Deux paroles aimées auprès du tout miséricordieux, lourdes sur la balance des bonnes actions et légères à prononcer sur la langue. Pourquoi? C'est le hadith rapporté par Muslim, hadith d'Abi Huraira. Pourquoi le prophète a décrit cette parole avec ses bienfaits? Tout simplement car dans cette parole-là, on a fait le tour. On a rejeté d'Allah tout ce qui ne convient pas à sa bienséance. Et en même temps, on a affirmé à Allah tous les attributs de perfection. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter après ceci? Non. Al-nafyu wal-izbad. Al-nafyu wal-izbad. La négation et l'affirmation. Voilà ce que signifie Subhanallahi wa bihamdihi. C'est une kalima qui est très lourde, lourde de sens et qui est lourde dans la balance du serviteur le jour du jugement. Wa tabaraka smuka. Ici, comment on comprend wa tabaraka smuka? C'est-à-dire par ton nom, on obtient toutes les bénédictions, la baraka. En ton nom et par ton nom, on obtient toute la baraka. Il faut déjà définir qu'est-ce que le baraka. Ah, qui sait ce que ça veut dire? Non, le sens, pas une traduction. Kasratul khayr, très bien, mais il y a quelque chose qui manque. Son agrandissement, c'est-à-dire ça augmente. Ouais. Non. Et baqa'i. Non. Et dan al-baraka, ça veut dire un bien qui est constant, qui va perdurer dans le temps et en même temps qui va augmenter. C'est ça le baraka. C'est pour ça que les Arabes appellent un petit étang ou une petite mare dans laquelle boivent les chameaux, et on appelle ça el-berka. Berka, baraka, c'est le même mot. Pourquoi? Parce qu'il y a un bien constant. C'est que l'eau pour les Arabes, c'est le khayr, ou al-khayr kullu. Naam. El-ma'u. Ou al-khayr kullu. Surtout ceux qui habitent dans le désert. Bon, nous maintenant, c'est plus trop, c'est relatif. Mais pour ceux qui habitent dans le désert, l'eau, c'est vital. Donc quand il y a un point d'eau, c'est une baraka. Voilà pourquoi les Arabes appellent cet étang d'eau, ce point d'eau, berkatun. Donc la baraka, c'est ça. En ton nom, nous obtenons la baraka. Ce bien qui est constant, qui évolue, et bien sûr qui vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le Sharh al-Taymiyyah, il donne un exemple. Il dit, regardez, vous avez une chèvre ou un mouton. Si vous l'égorgez au nom d'Allah, cette viande devient licite? Cette viande est licite. Donc vous obtenez la baraka. Si vous ne l'égorgez pas au nom d'Allah, est-ce que vous avez le droit de la manger? Non. Donc c'est bien l'exemple flagrant, concret, que par le nom d'Allah, lorsqu'on égorge, on sacrifie cette bête, on dit Bismillah, par le nom d'Allah, on obtient les bénédictions et les bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Numéro 3. Ensuite, on a tabaraka smuka wa ta'ala jadduka. Là. Qu'est-ce que le jadd? El jaddu, c'est pas le grand-père, barakallahu fikum. Je vous dis ça parce que Sharh al-Thaymin, il dit certains awam, certains musulmans parmi le commun des gens, disent Pourquoi le prophète dit Ta'ala jadduka en parlant d'Allah alors qu'Allah dit Walam yakullahu kufuan ahad, walam yalid, walam yulad. Et Allah ne l'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et rien ne lui est égal. Donc il pense qu'il y a une contradiction. Car ils ont expliqué Ta'ala jadduka, ils ont dit jadduka ça veut dire grand-père. Hein, ou ancêtre. Ici ça n'a pas ce sens-là. Al jaddu huwa al-'azamatu. C'est la grandeur. Wal jalalatu. La magnificence, la majesté, la splendeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Et c'est en même temps al-ghina, la richesse d'Allah. C'est qu'Allah se passe de tout l'univers. Naam, car huwa al-ghani. C'est lui le riche et qui se passe de tout le monde par excellence tabaraka wa ta'ala. On retrouve tous ces termes-là, tous ces sens-là dans le terme jadd. Al-azama, la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-jalalatu, c'est-à-dire la magnificence, la splendeur et la majesté d'Allah. Ou al-ghina, la richesse d'Allah. Et lorsqu'on dit ta'ala jadduka, tout ceci ta'ala et tarafa. Donc comment on va le traduire? On va le traduire ta grandeur est élevée, ainsi que ta magnificence et ta richesse. Et quand on dit élevé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aucun défaut ne peut toucher ces attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Aucun défaut et aucune déficience. Vous voyez que les sens sont très profonds. Et enfin, wa la ilaha ghayruka, nul n'est en droit d'être adoré sauf toi. Bien sûr, ça c'est une allusion directe au monothéisme et au fait d'adorer Allah lui seul tabaraka wa ta'ala dans tous ses aspects. Voilà le sens de Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Il y a plusieurs versions, il y a plusieurs formes de dua dans l'istiftar, la manière d'ouvrir la prière. Là, Cheikh Al-Athaymin en cite pas mal dans son livre, et aussi Cheikh Al-Albani les rapporte toutes avec une étude sur chacune des chaînes de transmission. Donc, la sunna dans tout ceci, c'est de varier aussi. Pour celui qui les a apprises, c'est de varier entre toutes ces invocations d'ouverture de l'istiftar. L'auteur du livre dit par la suite. أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. Donc il lit ce dua de l'istiftah ou bien d'autres dua de l'istiftah qui ont été répertoriés dans la sunna remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. ثم يتعوذ, ceci signifie puis il cherche protection. Sous-entendu, il cherche protection auprès d'Allah contre Shaitan et ses insinuations. Il y a deux formulations possibles dans le ta'awud. Ou bien on dit Allahumma inni a'udhu bika, ou plutôt afwan. Ou bien on dit a'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytan ar-rajim wa hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Je vais expliquer qu'est-ce que signifient ces termes. Ou bien on dit tout simplement A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ce ta'awud, cette formulation, cette demande de protection, c'est une demande de protection pour la récitation et non pas pour la prière. D'accord? Elle vient en amont de la récitation du Coran. Car sinon, si elle aurait été pour la prière, elle serait venue au tout début, juste après Takbirat al-Ihram. Mais là, elle vient avant, juste avant la récitation. Donc, elle est liée à la récitation. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Et lorsque tu t'apprêtes à lire le Coran, cherche protection auprès d'Allah contre les méfaits et les insinuations maléfiques de Shaitan. Alors, ici, on a cette formulation, A'udhu billahi sami'il alim, من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Je cherche protection auprès d'Allah, auprès de l'audient, celui qui entend tout, et de l'omniscient, celui qui sait tout, tabaraka wa ta'ala, contre Shaytan le maudit, celui qui a été chassé et banni, ainsi que son hamz, son nafkh et son naf. El hamzu, c'est ce qu'on appelle en arabe, el hamzu, c'est une forme de maladie, une forme de folie ou de démence, que les arabes appelaient el mu'ta. Non. C'est une forme de démence ou de folie. Donc, on cherche protection auprès d'Allah contre Shaitan et contre sa folie ou sa démence. 1. 2. Al-Nafr. Al-Nafr ou Al-Kibr. Contre son orgueil et son arrogance. Ou Al-Nafr, c'est ses poèmes. Shi'ruhu, shi'ru shaitan. Non. C'est-à-dire, toutes ces belles paroles par lesquelles il enjolive les mauvaises actions aux serviteurs. Donc, on dit tout ceci avant de lire le Coran. On se protège auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, on dit Bismillah. Alors là, et je ne vous cache pas, les frères, barakallahu fikoum, que al-basmalla, notamment concernant le Fatiha, c'est un sujet à divergence qui a fait couler beaucoup d'encre, comme on dit. C'est le cas de le dire. Il y a eu des ouvrages entiers chez les salafs qui ont été écrits à ce sujet. Est-ce que le basmalla fait partie de la Fatiha? Ou elle ne fait pas partie de la Fatiha? Est-ce qu'il faut la lire à voix haute? Est-ce qu'on peut la lire à voix basse? Al-kalamu kathirun kathir. Le moins qu'on puisse dire, et ça c'est sur quoi s'entendent tous les savants, c'est qu'elle est légiférée. Il est légiféré de le dire. Que l'on considère que la basmalla, cette formulation bismillahirrahmanirrahim, fasse partie de l'Fatiha, ou qu'elle n'en fasse pas partie, que ça soit un en-tête, ou un verset à part, ou un en-tête pour introduire la sourate qui vient juste après. Quoi qu'il en soit, ils sont tous d'accord pour dire que c'est légiféré de le dire dans la prière juste avant le Fatiha. La divergence tient sur le fait, est-ce que cette basmalla fait partie de le Fatiha ou non? À savoir, si elle fait partie de le Fatiha, alors il m'est obligatoire de la lire, car le Fatiha c'est un des pilier de la prière. Donc, si je lis le Fatiha 6 versets sur 7 et j'omets le premier, la prière n'est pas valide. Ça, c'est pour ceux qui considèrent que le basmalla fait partie de le Fatiha. Pour les autres, celui qui l'oublie ou qui ne la dit pas, il n'y a pas de mal. Hein? Car il ne considère pas le basmalla comme un verset de le Fatiha. Non. Il y a beaucoup de savants qui vont dans le sens que Al-Fatiha ne fait pas partie, ou Al-Basmala ne fait pas partie d'Al-Fatiha. Il s'appuie sur le hadith de Abi Huraira dans Sahih Muslim, hadith Qudusi. Le hadith Qudusi, on appelle un hadith divin. Un hadith divin, c'est quoi? C'est quelque chose qui a été rapporté dans la Sunna, non pas dans le Coran, dans la Sunna, mais dont le sens et les termes viennent d'Allah, al-Qawl Sahih. Le sens du hadith et les termes viennent d'Allah. Alors vous allez me dire, quelle est la différence entre le hadith Qudusi et le Coran? Premièrement, le hadith Qudusi peut être faible comme il peut être authentique, comme il peut être inventé. Non? Alors que le Coran a été rapporté de manière notoire, à la même tawatur. De manière notoire, c'est-à-dire qu'à chaque génération de transmetteurs, on a une multitude de gens qui n'ont pu se rassembler pour mentir sur cette narration. Donc, quand on a un hadith notoire, mutawatir, on ne fait pas d'étude de la chaîne de transmission. On dit le hadith est authentique, directement. Le Coran a été rapporté de la sorte. Alors que le hadith Qudusi, On en trouve qui sont authentiques, d'autres qui sont faibles, d'autres qui sont inventés, d'autres qui sont bons, d'autres qui sont bons par autre que lui. Bref, on a toute la palette. Ça, c'est déjà une première différence. Deuxième différence, le Coran, on adore Allah par sa lecture. C'est-à-dire qu'à chaque lettre que l'on lit du Coran, ashr hasanat, 10 récompenses. Le hadith Qudsi n'a pas ce mérite-là. Là. Voilà les différences majeures de taille qu'il y a entre le hadith Qudsi et le Coran et le Karim. Mais, en tout cas, ce qui les rapproche, c'est que tous deux sont la parole d'Allah. Et, tous deux sont la parole d'Allah. Et même dans les termes aussi, les termes viennent d'Allah, tabarak wa ta'ala. Les termes et le sens. Alors, dans ce hadith Qudsi, qui est authentique de surcroît, Abu Huraira dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qala Allahu ta'ala. Donc le prophète dit, Allah tabarak wa ta'ala dit, ou Allah azza wa jal dit, qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn. J'ai partagé la prière, et la prière ici a le sens de la fatiha, barakallahu fik. J'ai partagé la prière et j'ai partagé la fatiha entre moi et mon serviteur en deux parties. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين فقد حمدني عبدي. Et lorsque mon serviteur dit الحمد لله رب العالمين, alors à ce moment-là mon serviteur m'a loué et m'a vanté. Et lorsque mon serviteur dit الرحمن الرحيم مجدني عبدي, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsque mon serviteur dit Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Afwan Ar-Rahman Ar-Rahim Athna Aliya Abdi, mon serviteur m'a loué une seconde fois, terme de Thana ici. Et lorsque mon serviteur dit Maliki Yawmiddin, mon serviteur m'a Majadani Abdi, mon serviteur m'a glorifié. Iyaka Na'budu, et lorsque il dit Iyaka na'budu, Iyaka nas'a, Iyaka nasta'in, et à mon serviteur, il aura ce qu'il me demande. Donc on voit bien qu'ici que la première moitié de la sourate est une demande du serviteur à vers son Seigneur. La deuxième partie, ou plutôt la première partie de la sourate, je suis fatigué. La première partie de la sourate est une glorification du serviteur vers le Seigneur. Et la deuxième partie de la sourate, c'est-à-dire au moment où il dit Iyyaka nasta'in jusqu'à la fin, ce sont des invocations. Donc le serviteur glorifie Allah. Donc ça c'est la partie qui revient à Allah. Et en deuxième partie, il fait des doas pour son propre intérêt. Donc cette deuxième partie revient au serviteur. Voilà pourquoi Allah dit qasamtu salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. J'ai partagé la prière, c'est-à-dire le Fatiha, entre moi et mon serviteur en deux parties égales. Donc, il s'appuie sur ce hadith Qudsi pour dire que Allah n'a pas dit en tout premier Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a commencé directement par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce qui prouve que le Basmala ne fait pas partie de le Fatiha. Non? C'est l'avis entre autres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il y a une très pauvre Cheikh Al-Saymin et d'autres grands savants qui les ont précédés sur ceci. D'autres savants disent que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, al-Basmala, elle fait partie intégrante de la Fatiha. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle est répertoriée dans les Coran, dans les Masahif. Lorsque vous regardez le Masahif, vous avez le premier verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et le dernier, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le dernier verset ici est le septième. Le kalam est tawil. Le khilaf il est de taille, comme on dit. Il est conséquent. C'est pas moi qui vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire ou ne devez pas faire. Je vous donne les avis des savants, Inch'Allah, avec leurs arguments. Bien que les arguments de ceux qui disent que Al-Basmallah fait partie intégrante de la Fatiha, Et à notre époque, Cheikh Al-Albani, considère cet avis, d'autres, ils ont aussi des arguments de taille. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé la lecture de ce verset, pour ceux qui considèrent que c'est un verset. Ça, c'est une autre problématique. Est-ce que c'est un verset ou non? Car Cheikh Al-Islam dit, c'est un verset, mais pas le Fatiha. C'est un verset à part. Ala kulli hal. Cheikh Sa'di ici, il dit, thumma yubasmil. Donc, il ne rentre pas dans le khilaf ici. Il dit yubasmil, il dit bismillah, pour sortir de la divergence. Non? Car tout le monde s'accorde à dire et s'entend sur le fait que ceci est légiféré de le dire. Non? Quant au fait de le dire à voix haute ou à voix basse, alors, il convient de le dire parfois à voix haute, parfois à voix basse, selon les circonstances. Car si on le dit tout le temps à voix basse, alors, si on considère que c'est un verset à part entière, comment celui qui est derrière l'imam et qui n'est pas averti de toutes ces choses-là, comment pourra-t-il savoir que Al-Basmallah doit être lu? Non? Donc, inconsciemment, il va commencer par Alhamdulillahi Rabbil Alamin dans sa prière. Dans les prières à voix basse. Non? Et ceci peut être problématique car ceci peut annuler, il risque d'annuler sa prière si l'on considère que la basmallah fait partie intégrante de la Fatiha. Non, mais quoi? Donc c'est à l'imam de prendre en compte qui prie derrière lui. S'il voit que c'est des gens qui ne sont pas avertis de ces choses-là, alors il lit dans sa prière, il commence à la basmallah à voix haute. Et il lit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, afin que les gens derrière lui sachent que la basmallah fait partie de l'Fatiha. Non, mais quoi? ثم يبسمل ثم يقرا الفاتحه puis il lit الفاتحه. الفاتحه au même titre que le takbir de sacralisation est un des piliers de la prière. Qu'est-ce que signifie un pilier concrètement? C'est l'ossature de la prière. Donc si un des piliers de la prière n'est pas respecté, n'est pas accompli, c'est la prière dans sa globalité qui n'est pas valide. Al-Fatiha, c'est un des piliers de la prière en regard de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le hadith de Ubadah ibn Samit, hadith authentique, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam la salat liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Il n'y a pas de prière la salat valide, mujzi'a, accomplie sans la lecture de la Fatiha. C'est un hadith pilier, c'est un hadith de base référent, celui-là. Donc, cette Fatiha doit être lue dans tous les cas. Que tu sois tout seul à voix basse, tu lis le Fatiha. Que tu sois tout seul dans une prière à voix haute, tu lis le Fatiha. Que tu sois derrière l'imam qui lit à voix basse, le Dhuhr ou l'Asr, tu lis le Fatiha. Que tu sois derrière l'imam qui lit à voix haute, à la khilaf, sur une divergence ici. Est-ce que dans les prières salawat al-jahriya, les prières où l'imam prie à voix haute, est-ce que la personne derrière lit le Fatiha? C'est une divergence chez les savants qui existe. Non. Si on prend le hadith de Ubadah ibn Samit, qui est général, alors on est sommé, on est contraint de lire le Fatiha même dans les prières où l'imam récite à haute voix. C'est clair? La salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. On a un hadith, barakallahu fikum, hadith. D'ailleurs, je vais vous le lire, inshallah. C'est un hadith qui est authentique de surcroît, mais qui, dans sa compréhension, a suscité divergence chez les savants. Ce hadith-là que je vais vous citer, c'est ce hadith-là qui cause la divergence chez les savants, à savoir, est-ce qu'il est obligatoire pour la personne qui prie derrière l'imam d'une prière à voix haute de lire Al-Fatiha ou non? Écoutez bien ce hadith. D'après Abi Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de sa prière, d'une prière à voix haute, où il a récité à voix haute, puis il a posé cette question aux gens qui ont prié derrière lui en disant, est-ce que l'un d'entre vous a lu le Coran avec moi alors qu'il était dans la prière? Comme ça, le Coran. Alors un homme a dit, oui, ya Rasulallah. Alors le prophète a dit, ne me disputez pas le Coran, c'est-à-dire, ne lisez pas en même temps que moi. Alors, Abu Huraira a dit à ce moment-là, les gens, à partir de ce moment-là, ont arrêté de lire avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans les prières dans lesquelles ils lisaient à haute voix. Lorsqu'ils ont entendu cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ceux qui disent que dans les prières où l'imam récite à haute voix, la personne derrière n'est pas obligée de lire le Fatiha, il s'appuie sur ce hadith-là en disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant leur avait obligé de lire le Fatiha, le hadith de Ubadah ibn Samit, et ce hadith-là est venu l'abroger. C'est comme si le prophète disait, à partir de maintenant, ne lisez plus le Coran derrière moi quand je récite à haute voix. Vous avez compris? Donc c'est un hadith qui vient abroger le hadith de Ubadah ibn Samit. Hadith général. Et c'est d'ailleurs l'argumentation de Cheikh Al-Albani. Non, mais quoi? Les autres savants, ceux qui disent que dans tous les cas, on lit le Fatiha. Même si l'imam il dit à haute voix, on lit le Fatiha dans notre prière. Ils disent que ce hadith-là, quand bien même il est authentique, n'est pas venu abroger l'autre hadith, mais on peut rassembler les deux hadiths dans le sens. Et lorsqu'on peut rassembler deux hadiths dans le sens, l'abrogation n'a plus lieu. Non? J'avais parlé de ceci dans les premiers cours de Manhaj al-Salikin. Tariqatul Jam' wa Tariqatul Tarjih. Lorsqu'on a deux textes qui en apparence sont opposés, non? Si on peut réunir entre les deux textes et en tirer un statut juridique, alors c'est la voie qui doit être prise en priorité. Sinon, il va falloir trancher entre un des deux textes, qu'on appelle le tarjih. Namirwa. Alors ces savants-là disent, on peut rassembler, on peut lier ce texte-là, ce hadith-là, avec le hadith de Ubadah ibn Samit. Et ils disent quoi? Ils disent que ici, ce qui est voulu dans ce hadith de Abi Huraira, c'est la récitation du Coran en dehors de le Fatiha. Donc, ne lisez pas le Coran lorsque moi je le lis à haute voix. Non. Sauf le hadith, sauf Al-Fatiha, qui lui reste un pilier de la prière qui ne doit pas être dérogé et non accompli. Non. Donc, ils ont rassemblé entre les deux hadiths. C'est une manière de voir les choses. C'est celle, entre autres, de nombreux savants, parmi eux, Cheikh Al-Uthaymeen, pour ne citer que lui. Et c'est l'avis de l'ensemble des fuqaha, jumhur al-ulama. Le jumhur considère qu'il est obligatoire de lire la Fatiha dans tous les cas. Derrière l'imam, en voyage, en résident, derrière les prières à voix haute, à voix basse, dans tous les cas tu lis le Fatiha, car le hadith de Ubadah ibn Samit, c'est un hadith qu'on ne peut balayer et qu'on ne peut abroger. Non. Si le prophète dans ce hadith-là de Abi Huraira avait dit, par exemple, la tunazi'u, il avait dit, inni aqulu ma li unaza'u, la unaza'u al-Fatiha, par exemple. Ne me disputez pas al-Fatiha. Dans ce cas-là, ça aurait été clair. Plus de divergence. Non. Mais il a dit al-Qur'an, ou al-Qira'a, la lecture générale. Donc, on ne peut pas statuer, non, que ceci implique aussi le Fatiha. De même, si on n'avait pas le hadith de Ubadah ibn Samit, alors on aurait inclus le Fatiha dans dans le hadith d'Abi Huraira, on aurait dit que tout ça c'est interdit dès lors que le prophète lit à voix haute, on ne lit rien du tout. Non. Il y a un autre hadith, barakallahu fikoum, qui est authentique, que le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, faïda qara'tu fa'ansitu. Quand je lis le Coran, taisez-vous. Ce hadith-là aussi, on peut l'expliquer dans le sens où, lorsque l'imam se tait, à ce moment-là, nous, on lit Al-Fatiha. Mais pas en même temps que lui. Il y a plusieurs remarques à faire sur le Fatiha, barakallahu fikoum. Première chose, celui qui ne connaît pas le Fatiha, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend, bien sûr. Il est obligatoire d'apprendre. C'est comme Takbiratul Ihram, il est obligatoire de savoir le dire correctement. Dans les plus brefs délais. Non. Exactement. C'est un hadith authentique. La personne qui n'arrive pas à lire le Fatiha, pour X raisons, des problèmes de mémoire, il a un défaut sur la langue, il n'a pas eu le temps de l'apprendre. Donc, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'arrive pas, qui ne peut pas lire le Fatiha, il dit, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. C'est presque aussi haut que le Fatiha. Mais en général, c'est des termes que les gens connaissent. Non. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. S'il n'arrive pas à dire ceci, alors il peut lire à la place ce qu'il connaît, du peu qu'il connaît du Coran. Car ça reste du zikr. Non. Deuxième grande remarque sur le Fatiha. Celui maintenant qui connaît le Fatiha mais qui la lit mal et qui fait des erreurs dans le Fatiha. Alors ici il va falloir différencier quel type d'erreur il fait dans le Fatiha. Pour ceux qui ont étudié un petit peu la science du Tajwid, en Coran, vous savez que les fautes elles se divisent en deux grandes catégories. Al-Alhan ou Al-Jaliya والألحان الخفية. Donc les fautes flagrantes, graves, et les fautes d'ordre théorique, c'est-à-dire dans l'arcane, dans les règles de lecture. Ici, dans le Fatiha, ce qu'il va falloir considérer pour savoir si la Fatiha est correcte ou non, il faut regarder est-ce que sa lecture change le sens du verset. Ça va être ça le critère. Par exemple, quelqu'un qui dit, au lieu de dire Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim, lui dit an'amtu alayhim. Donc ici, al-mun'im, c'est lui, c'est plus Allah. C'est lui qui octroie ses bienfaits. Ce n'est plus Allah, il n'a pas dit an'amta, il a dit an'amtu. C'est comme s'il dit moi j'octroie les bienfaits. Donc ça change de sens ici. Si elle fait une erreur de ce type-là, la prière n'est pas valide. Car le pilier est tombé. La Fatiha n'est pas lue correctement. Non, mais quoi? Par contre, s'il fait une erreur qui ne vient pas changer le sens. Par exemple, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Il a mis une kasra à la place de Dhamma. C'est une erreur. Mais est-ce que ça change le sens du verset? Non. Donc, sa prière reste valide. Vous avez compris? Ça, c'est les paroles. Que je viens de vous expliquer là, c'est le sens des propos de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, qui dit, la faute grave n'annule pas la prière si elle ne change pas le sens. La faute grave n'annule pas la prière si elle ne change pas le sens. Vous avez compris les frères? Donc il faut faire attention aussi, derrière qui vous priez. Si une personne détruit la Fatiha et ne sait pas la lire, C'est pas la peine de rester dans la prière avec lui, barakallahu fikoum. Non? Et vous le reprenez à la fin, vous lui dites, ta prière, elle n'est pas valide. Barakallahu fik, tu restes avec les gens derrière et tu apprends le Fatiha correctement. Non, mais quoi? Aussi, et je vais finir avec ça, inshallah, tabarak wa ta'ala. Il ne faut pas aussi rentrer dans des considérations où on rend la chose très difficile pour les gens. Par exemple, il y a des lettres qui sont un peu plus dures à prononcer que d'autres. Le dab. Beaucoup le prononcent comme un dal. Dal, voilà, dalin, voilà, dalin. Ou ils prononcent le dal, mais mufakham. C'est-à-dire amplifié, emphasé. Dans. Voilà, dalin. C'est pas dalin, c'est un dalin. Namekhwa, on va pas, pour cette personne-là, on va pas lui dire, ta prière n'est pas acceptée jusqu'à ce que tu prononces le dhad correctement. Nam. S'il s'en rapproche, alhamdulillah. Yassiru, wala tu'assiru. Tant que ça ne change pas le sens du verset. C'est ça le critère de base. Si ça change le sens du verset, dans ce cas-là, non, la prière n'est pas acceptée. D'accord? S'il dit, voilà, dalin, là, c'est un autre sens. Un dalou, c'est celui qui montre le chemin. Ou un dalou, c'est celui qui s'est égaré. N'aimez quoi? C'est un contresens. Par contre, s'il se rapproche du dad, mais on voit que c'est pas encore ça, dans ce cas-là, Ça, c'est une remarque que font les savants. Certains lecteurs du Coran, certains savants dans la lecture du Coran sont mutashaddidin, ils sont très durs sur ça. Hein? Et ils rendent la prière de la plupart des gens batila à cause de ça. Tu prononces mal le dad. Tu prononces mal le sod. Hein? Bien sûr, la perfection n'appartient qu'à Allah, tabarak wa ta'ala. On va s'arrêter là, inshallah, tabarak wa ta'ala.